Salut, c'est Mike l'écuyer pour l'émission Blues Covers. Hello, hello, nous continuons l'exploration du pop-rock dans le blues avec Benoît Blueboy en 2007, l'album Micmac. Et c'est un titre qui s'appelle « C'est tout correct ». Avec Benoît au chant à l'harmonica, Stan Nubarpacha à la guitare, Osvaldo à la guitare, Julien Brunto à l'orgue Farfissa, oh là, que de souvenirs, Thibaut Chopin à la basse et Fabrice Millériou à la batterie. Oh, j'allais oublier, Baco Mikaelian au frottoir. Ce titre, c'est tout correct, eh bien, c'est signé Clifton Chénier, hein, le Cajun de Louisiane, mais c'est en réalité une adaptation du I Got a Woman de Monsieur Ray Charles, bien sûr. C'est tout correct, Benoît Blueboy et les Tortilleurs en 2007. Au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh, oh oui, elle me donne de l'argent quand moi j'ai besoin. Et c'est la qualité, pourquoi je l'aime. Moi j'ai une petite femme au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh, oui, elle est bonne pour moi. J'ai regardé la rue, quitte-moi tout seul, elle connaît sa place à la maison. J'aime galoper la nuit, quittez-moi tout seul, elle connaît sa place, c'est là à la maison. Moi j'ai une petite femme au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh oui, elle est bonne pour moi. Moi j'ai une petite femme au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh oui, elle me donne de l'argent quand moi j'ai besoin. C'est la qualité, pourquoi je l'aime. Moi j'ai une petite femme, au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh oui, elle est bonne pour moi. La nuit, quittez-moi tout seul, elle connaît sa place, sans la maison. J'aime galoper la rue, quittez-moi tout seul, elle connaît sa place, c'est là la maison. Moi j'ai une petite femme au bord du village, elle est bonne pour moi. Oh oui, elle est bonne pour moi. Moi j'ai une petite femme au bord du village, elle est bonne pour moi. Elle me donne de l'argent quand moi j'ai besoin. Et c'est la qualité, pourquoi je l'aime. Moi j'ai une petite femme au bord du village, et elle est bonne pour moi. Oh, elle est bonne pour moi. Tout ça c'est correct, tout ça c'est correct, tout ça c'est correct, tout ça c'est correct. Elle me donne de l'argent quand moi j'ai besoin. C'est la qualité, pourquoi je l'aime. Tout ça c'est correct, tout ça c'est correct, tout ça c'est correct, tout ça c'est magnifique. J'ai regardé après la nuit, j'étais moi tout seul, elle connaît sa place, c'est à la maison. Tout ça c'est correct, tout ça c'est magnifique, tout ça c'est correct. Tout ça c'est correct, Benoît Blueboy en 2007. Et voici maintenant un habitué de ce thème pop-rock dans le blues, Mr. Harderly. Oui, un Parisien que nous entendons souvent car il fait pas mal de reprises assez étonnantes et détonnantes. Aujourd'hui, je vous propose tout d'abord un Pink Floyd, Shine on You Crazy Diamond, enregistré en public, Mr. Harderly. Pink Floyd en version instrumentale, c'était Mr. Harderly. Maintenant nous passons à son album studio de 2018 qui s'appelle I'm a Bluesman, avec à nouveau du Deep Purple. En 2016, il proposait Soldier of Fortune, que je vous ai fait écouter dans une précédente émission, eh bien, aujourd'hui, ce sera Lazy. Ce morceau fait partie de l'album Machine Head, paru en 1972. Donc, voici la version de Mr. Harderly, Deep Purple, Lazy. Thank you. Après Mr. Adderley et Deep Purple, voici de l'acoustique avec Geoffroy Bruneau. C'est un comparse de Montpellier, chanteur de rue, entre autres, bluesman multi-instrumentiste, car il joue de l'harmonica, de la guitare, du ukulélé, que sais-je encore. Son album Curriculum Vite Fait, c'est une espèce de compilation de 1998 à 2006 de ses divers enregistrements avec diverses expériences. C'est un album fait maison, je ne pense pas qu'on le trouve dans le commerce, peut-être en le contactant par Facebook ou sur Internet. Donc, grâce à Blues Covers, vous allez entendre tout d'abord Nadine, une composition de Chuck Berry, paru en 1964, et ensuite, je ne vous en dis pas plus, ce sera la surprise. Tout d'abord, Geoffroy Bruneau, Nadine. I got on a city bus and found a vacancy. I thought I saw my future bride walking down the street. I shouted to the driver, hey, hey, you must slow down and let me off this bus, Nadine. Honey, is that you? Oh, Nadine, come on and give me the truth. Every time I see you, you got something else to do. She moves around like a wayward summer breeze. Go-go driver, catch her for me, please. Moving through the traffic like a mounted cavalier. I'm leaning on my taxi window, try to make her hear. Nadine, honey, is that you? Whoa, Nadine, come on and give me the truth. Every time I see you, you got something else to do. She turned and doubled back. She started walking down towards a coffee colored Cadillac. I was pushing through the traffic, trying to get to where she's at. I was campaigning, shouting like a southern diplomat. Nadine, honey, is that you? Nadine, come on and give me the truth. Now every time I see you, got something else to do. Après Chuck Berry, on change complètement de style, d'ambiance et même d'époque, puisque Geoffroy Bruneau nous propose une chanson de Bourvil. Et oui, mesdames, messieurs, Salade de fruits, créée par Bourvil en 1959. C'est une composition de Noël Roux et Armand Canfora. J'avoue que je ne connaissais pas ces auteurs-compositeurs. Et en 2006, eh bien, c'est Geoffroy Bruneau qui nous propose sa version de Salade de fruits. Oui, on ne recule devant rien dans Blues Covers. Qu'on nous marie, hey! Sur ma paillote au bord de l'eau, y a des ananas, encore. Y a du noix de coco, c'est ça. J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Le fruit de ta bouche serait le bienvenu. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, oh oui, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Oh oui. Tu sais ce que je veux. Santé. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Tu plais à mon père, oh oui, tu plais à ma mère. Salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Chacun de tout son cœur, ce qu'il y avait en nous de meilleur. Au fond de ma paillote, au bord de l'eau, ce panier qui bouge, c'est un petit berceau. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, oh oui, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Et toi, le fruit de nos amours. Oh, oui, c'est toi le fruit de nos amours. Oh, c'est toi le fruit de nos amours, toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. L'amour, l'amour, toujours. Bonjour, petit. Après le cha-cha-cha de Geoffroy Bruneau, voici le rock et blues, et non pas le blues rock, de Paul Person avec le groupe Lost in Paris Blues Band. Vous savez, c'était un projet de tournée qui a mal tourné, puisqu'il n'y a eu que quelques concerts en 2016, et tout ce beau monde, et oui, car il y en avait, hein, Paul Person avait réuni pour une tournée des membres éminents de la musique internationale, comme John Jorgensen, Robin Ford, Ron Bumblewood Thall, Beverly Joe Scott, etc., etc. Donc, tout ce petit monde s'est retrouvé sans rien à faire. Et Paul a eu l'idée de retenir un studio d'enregistrement et de proposer cet album Lost in Paris Blues Band. Alors, je vous ai déjà passé un morceau de Bob Dylan il y a quelques temps. Voici aujourd'hui une chanson de Bobby Womack, popularisée par les Rolling Stones. Et je pense que Polo a pris la version des Stones comme référence. Moi aussi, c'est un de mes morceaux préférés des premiers albums de Mick Jagger, Keith Richards et compagnie. Voici donc Paul Person en 2016, It's All Over Now. Bye bye et à la prochaine. In bed, I got it worried. She hears my aching head, but now she's here and there. Every man in town still trying to take me for the same old clown. Because I used to love her, but it's all over now. Because I used to love her, but it's all. C'était l'émission Blues Covers. Choo, choo, choo, choo.